Lecture de « En quête de sens » écrit par Nuage. Drago Malfoy lissa la page de journal qu'il lisait. En haut de la page, des lettres criardes titraient « Harry Potter n'est plus le garçon qui a survécu, mais le garçon qui ne sait pas choisir ?» Un sourire amusé fleurit sur ses lèvres cuisses de nymphe. Il se dit que cela faisait un moment qu'il n'était pas allé embêter son ancien rival. En tentant de faire amende honorable auprès de ses pairs, l'héritier du nom Oni avait réussi à abolir le climat d'hostilité qui régnait auparavant entre Harry et lui. Il en était venu au point d'être parfaitement cordiaux, et Drago aimait à fantasmer qu'il n'était pas loin d'être ami. Peut-être son seul ami. Tous ses camarades de Serpentard étaient morts pendant la guerre ou exilés. Peu d'entre eux étaient restés en Angleterre, et peu osait se montrer en public. S'il était honnête avec lui-même, il espérait depuis longtemps autre chose que de l'amitié avec cette tête de mule. Même s'il était incroyablement agaçant, peu distingué, parfois révoltant, et même brutal, il fallait excuser son manque d'éducation, car il était aussi charmant, courageux, puissant. Et Morgan, ce corps! C'est avec ce type de pensée puritaine qu'il décida de rendre visite à Harry. La maison des Black n'était plus sous Fidelitas depuis leur retour de Poudlard. Par mesure de sécurité, Harry avait disposé bon nombre de sortilèges pour empêcher l'accès à la vieille bâtisse à quiconque n'y était pas autorisé. En dépit de cela, plusieurs de ses admirateurs, bien souvent des admiratrices, se risquaient fréquemment à s'y glisser. Drago les considérait comme des groupies. Il aimait aussi se bercer allègrement dans l'idée qu'il faisait partie du cercle restreint de personnes autorisées à pénétrer dans cette maison sans être expulsées à coups de sortilèges cuisants. Harry époustait le haut de l'armoire du cellier quand créature apparut à côté de lui dans un pop bruyant. Harry sursauta et faillit tomber de son échelle. « Mais rien, créature, je t'ai déjà dit d'entrer par la porte quand je suis sur une échelle !» pesta Harry. Il prit une grande inspiration pour se remettre de sa frayeur. Il posa le pied sur le barreau inférieur, il avait entrepris le projet titanesque de nettoyer et rénover entièrement la maison des Black. Il voulait que cette sinistre demeure puisse être son chez-lui, son foyer. Il avait peu d'espoir de s'y sentir à l'aise un jour, mais il voulait essayer. Cela ne faisait qu'une petite semaine que l'idée l'avait effleuré, mais il avait déjà démissionné de son travail et acheté tous les outils nécessaires pour récurer cette sombre bicoque. Quand il toucha terre, créature lui offrit un de ses regards réprobateurs. Si Maître Potter voulait bien laisser créature faire le ménage, il n'aurait pas peur quand créature entre, sermonna le vieil elfe bougon. Harry fut surpris de le trouver si agréable, pour une fois, enfin, toute proportion gardée. « Qu'y a-t-il, créature ? Maître Malfoy vous attend devant la maison. » Harry décréta qu'il avait fini de nettoyer cette armoire. Il fit disparaître tout son attirail ménager d'un coup de baguette. Quand il ouvrit la porte, un sourire amusé et moqueur fleurit sur ses lèvres. Toujours vêtu de ses traditionnels vêtements stricts, Malfoy tenait sous le bras le journal et un bouquet de fleurs blancs de Saturne. Harry ne demanda même pas d'explication et le laissa entrer. Il le conduisit jusqu'à la cuisine, récemment nettoyée, et lui fit signe de s'asseoir alors qu'il faisait bouillir de l'eau. « Alors, que puis-je faire pour toi ?» demanda Harry en faisant léviter trois tasses du placard. « Créature est grognon s'il n'a pas sa tasse de thé quotidienne », expliqua-t-il avec un clin d'œil complice. « Il paraît que tu changes de nom ?» questionna le blond en ouvrant le journal qui tenait à la deuxième page. Harry haussa les épaules. « Je ne peux y voir qu'une bonne nouvelle. » « Je ne fais plus la première page. » Cela eut le mérite de faire sourire le blond. Harry s'enfonça dans ce sentiment chaud avec félicité. Leur relation était étrange. Drago Malfoy était le garçon qui avait créé les badges Potter Pu, le garçon à qui il avait rendu chaque coup au décuple dès que possible. Le gamin qu'il avait vu pleurer, terrifié, en haut de la tour d'astronomie. Ou pleurer de chagrin, anéanti, juché sur un balai, avec un feu démon qui leur léchait les pieds. C'est aussi le jeune homme qui avait serré sa mère dans ses bras devant la salle de leur procès quand il avait appris qu'il ne subirait pas la peine de mort. Tout cela faisait qu'il ne pouvait plus le détester. Au mieux, il pouvait lui lancer une pique de temps en temps, et au pire, le considérer comme un ami, par moments. Ils discutèrent longuement. Drago fit semblant de ne pas sauter sur la moindre miette de l'intimité d'Harry avec la voracité d'un affamé. Harry, quant à lui, tenta d'ignorer ce sentiment confortable que la présence de Drago lui procurait. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait confiance à quelqu'un. Et à eux deux, ils réussirent à faire semblant d'ignorer les remarques acides de créature. Harry se décida enfin à entraîner Drago à l'étage. Drago laissa son bouquet sur la table et grimaça quand créature s'en empara avidement. « Je n'ai pas osé ouvrir cette pièce depuis que j'ai commencé », expliqua Harry en montant les marches. « En fait, je pense que ce sera plus facile avec quelqu'un », avoua-t-il en s'arrêtant devant l'une des portes de l'étage. Sa banalité aurait pu détourner l'attention de quelqu'un de moins attentif, mais Drago était quelqu'un de minutieux. Des lettres grattées dans une plaque de métal simpliste indiquaient qu'il se tenait devant la chambre de Sirius Black. « Je suis ravi d'aider », répliqua Drago. Il n'avait pas fait partie de l'environnement proche de Harry quand celui-ci avait fait son deuil. Merlin qu'il aurait aimé l'être, pourtant. Il fallut être le dernier des idiots pour ne pas savoir à quel point la disparition de son parrain l'avait touché. Drago décida qu'il ne servait à rien de faire des ronds de jambes autour de cette poignée poussiéreuse et entra dans la pièce. Harry mit quelques secondes à le rejoindre. Drago avait pris le temps d'ouvrir en grand la fenêtre afin d'aérer la pièce. Il en profita pour jeter quelques sorts pour retirer les toiles d'araignée recouvertes de poussière. La pièce, inondée de lumière pour la première fois depuis plusieurs années, peignait le tableau d'une jeunesse déjantée. Chaque mur était presque entièrement couvert d'affiches de femmes attirantes, juchées sur des motos. Si Drago était plus intéressé par les motos, il doutait que Sirius ait eu un réel intérêt pour la mécanique au vu des tenues de pin-up, ou de leur absence. Il laissa son regard courir jusqu'à un meuble jonché de parchemins griffonnés à la va-vite par des plumes en fin de vie. Devant ce bureau, une fresque de notes et de dessins était étalée sur le mur comme de la crème de brocoli sur un bavoir d'enfant. Harry survolait chacun de ces objets avec un air révérencieux et amusé qui attendrit Drago. Si Harry pouvait apprécier ce putain de Capharnaüm, Drago ferait un effort. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il en poussant du pied une caisse remplie de bouts de ferraille. Ce qu'il pensait être des rebuts s'avéra une très bonne découverte quand Harry s'agenouilla devant avec un air d'imbécile heureux. Drago décida de tirer la chaise du bureau pour regarder d'un air niais un homme adulte trier des bouts de métal rouillés. En l'espace de quelques minutes, Harry avait les doigts recouverts d'une substance poisseuse. Il commença à parler tout en triant minutieusement ce qui semblait être des morceaux d'un engin complexe. « Tu sais, Sirius se donnait tous les airs d'un dragueur, mais tout ce qui l'intéressait, c'était les motos. Et énerver sa mère aussi, » ajouta-t-il avec un petit sourire triste. Une fois, il m'a parlé pendant des heures de son projet de construire une moto volante. Je n'ai presque rien compris de ce qu'il m'a dit, mais ça le rendait heureux, alors je l'ai laissé faire. Harry passa d'un jeune homme momentanément pris dans un souvenir heureux à un homme qui avait trop perdu, trop jeune. Drago se trouva tout à fait sot devant le chagrin qui s'amassait en petites larmes dans ses yeux véronaises. Alors, il lâcha la première chose qui lui passa par la tête. « Les fleurs sur la table en bas sont pour toi. » Il se sentit tout de suite un peu con. Vraiment, il n'avait rien trouvé de mieux. « Merci, c'est gentil. » répondit Harry en détournant le regard, gêné. Il s'essuya rapidement les yeux avant de reprendre sa fouille intensive dans le tas de déchets. Quand la caisse fut entièrement vide et le sol de la chambre constellé de taches d'huile de moteur, Harry souleva une boîte en carton. Il la montra à Drago, qui lui offrit une moue désemparée. Harry haussa les épaules et posa la boîte sur le sol. Il y trouva un carnet jauni par le temps. Alors que Harry feuilletait le carnet, Drago ramassa une photographie moldue qui avait glissé des pages. Elle était une énigme à elle-même. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai suivi là-dedans, Potter », soupira Drago en frottant son pantalon pour en faire tomber la poussière. Oh, on revient à Potter. Tu m'en veux, Malfoy ? Répliqua Harry en lui offrant un large sourire charmeur. Drago décida que c'était un sourire stupide et qu'il n'avait pas envie d'embrasser cette putain de bouche. Il exhala un autre soupir agacé. « Présentement, tu ne peux pas être autre chose que Potter, » cracha Drago venimeux. « Tu m'as convaincu par je ne sais quel moyen de te rejoindre à King's Cross pour prendre un porte au loin pour ce fou, pour ce trou perdu qui nous a lâchés dans une flaque de boue. Nous sommes à 20 lieues du premier village de Pecno arriéré qui pourrait nous brûler vif si tu oses ne serait-ce que sortir ta baguette. » À ces mots, Drago s'attendait à ce que Harry s'excuse, se confronte à sa colère. En lieu et place de cela, il lui sourit encore plus et la malice donna une teinte sinople à ses beaux yeux. « Pourquoi ? Tu veux sortir la tienne ?» Drago contempla l'idée de se mettre à pleurer. S'il s'écoutait, il rétorquerait à Harry ce qu'il pensait de sa blague baseuse. Au lieu de cela, il releva bien haut son petit nez parfait et ils se mirent à marcher en direction du premier village. « Qu'est-ce que c'est long, 20 lieues ! J'aurais presque l'impression que c'était 200 mètres !» lança Harry, sarcastique. Quand ils aperçurent les premières maisons, Drago grogna. Harry changea de sujet. « En lisant le carnet qui était dans la chambre de Sirius, j'ai compris que mon père, Remus, Peter et lui sont venus ici quand ils étaient plus jeunes. Ils ont pris un porte au loin par erreur et ils se sont retrouvés là. » Harry fouilla dans sa poche et en sortit le carré jauni qu'il lui tendit. Drago plissa les yeux et reconnut le village dans lequel ils étaient en train d'entrer. En comparant la photo à ce qu'il voyait, il constata que 15 ans auparavant, il y avait une cabine téléphonique devant la mairie. Était-ce possible qu'il y ait une entrée du ministère à cet endroit ? Seulement, sur la photographie, la cabine exudait une épaisse fumée au travers des carreaux brisés. Drago retourna l'image et y trouva une écriture brouillonne, entrecoupée par une plume soignée. James pensait que c'était une bonne idée de jeter un sort du haut-parleur sur la cabine. Le téléphone a explosé et on ne peut plus appeler chez nous. C'est un espèce de... Les mots suivants étaient recouverts de ratures et de taches d'encre. La phrase continuait sous une autre calligraphie. James est une personne dotée de peu de réflexion ou d'instinct de survie. Cela eut le mérite de faire sourire Drago. Il rendit la photographie à son propriétaire et fit semblant de ne pas avoir été attendri par ce morceau de bonheur juvénile. Ils marchèrent quelques minutes sans parler, et Drago profita de l'instant. Au centre du village, il y avait une place pavée qui arborait fièrement une fontaine à tête de lion. Les clapotis doux de l'eau étaient le seul son qui comblait le silence de l'endroit. « Alors, que fait-on maintenant ?» questionna Drago en se penchant à la fontaine pour boire. Sans y penser, il releva ses manches. Quand il se releva, il remarqua que Harry fixait son tatouage. Il esquissa un mouvement pour cacher la marque des ténèbres, mais Harry l'en empêcha. Drago sentit quelque chose de nouveau et inédit monter en lui. De l'espoir. L'espoir d'être quelqu'un de normal pour une fois. C'était il y a longtemps. Drago aurait aimé se gorger de ce sentiment de soulagement à l'idée d'être absous de ses fautes. Au lieu de ça, il régurgita avec toute l'honnêteté dont il pouvait se garnir ses véritables sentiments à ce sujet. « J'ai fait des choses qui te feraient frémir. » Harry secoua la tête et tira sur le bras de Drago pour exposer la marque. Il remonta la manche pour mieux la voir et fit courir ses doigts le long du serpent. Drago se retint du mieux qu'il put de frémir. Fut un temps, le simple fait de l'effleurer le faisait souffrir. Le soir où Dumbledore est mort, tu lui as dit la même chose. Drago reprit son bras comme s'il avait été brûlé, ce qui brisa la tension presque religieuse qui s'était installée entre eux. Il déroula sa manche d'une main tremblante pour couvrir le tatouage. Il se concentra sur sa respiration quelques secondes pour ignorer le maelstrom de ses émotions. L'espoir se mélangeait à la peur d'être déçu. L'affection qu'il éprouvait pour Harry se disputait avec une certaine méfiance vis-à-vis de ses propres émotions. Harry se passa la main dans les cheveux en soupirant. Il regarda autour de lui, la fontaine, les pavés, partout. Sauf vers Drago. Il semblait embêté. Je voulais pas te blesser, juste te faire comprendre que les gens évoluent. Le temps nous fait grandir. T'étais un sale petit con en première année à Poudlard. T'étais un putain de lèche-botte en troisième année. Et en sixième année, t'étais déjà en train de changer. Et aujourd'hui, je suis persuadée que tu es quelqu'un de meilleur. Drago avait envie de sourire et de prendre Harry dans ses bras. Au lieu de ça, il offrit un maigre sourire à l'autre sorcier. Un jour, ton syndrome du héros te perdra. Harry éclata de rire. Ils ne retournèrent pas sur le sujet. Ils marchèrent quelques minutes dans un silence quelque peu inconfortable, jusqu'à ce que Harry indique, d'une main hésitante, une bicoque perchée à flanc de rocher, un peu plus loin. Il fouilla dans ses poches de façon frénétique pour en sortir une image un peu froissée. Ils sont passés par là. Il paraît que c'est un cabinet de curiosité. Cette image ne bougeait pas non plus. Un dédale de carreaux difformes dessinait une illusion de plein et de rond au sol. Les murs verts étaient couverts de carreaux formant des dessins de façon aléatoire. Au mur s'alignaient des cadres dorés. Il n'y avait pas de tableau à l'intérieur, mais de simples miroirs qui reflétaient à l'infini les murs étranges de la bâtisse. Plus loin, un rayon de soleil illuminait un arbre maigrichon. Drago se laissa entraîner vers la maisonnette. Il se laissa faire car Harry semblait trop heureux de pouvoir le traîner à droite et à gauche sur cet itinéraire inconnu. Arrivé devant la bâtisse, rien n'était comme sur la photographie. L'image montrait peut-être une maison joliment décorée pour amuser les touristes, mais la réalité était tout autre. La porte, ornementée de ferronnerie, était gonflée par l'humidité et tenait péniblement sur ses gonds. Harry n'eut qu'à la pousser pour que la chambre en le cède, rongée par la pourriture et le temps. Le couloir qui menait autrefois à une cour doucement ombragée était jonché de feuilles mortes. L'arbre, jadis maigrichon, avait pris ses aises et ses racines avaient soulevé les dalles du carrelage. La guerre est aussi passée par là. Harry semblait tellement dépité que Drago se sentit obligé de le réconforter. Peut-être que ce n'est pas la guerre qui a fait ça. Plein de choses peuvent détruire une maison. Lui-même sentait sa voix faiblir alors qu'il déroulait sa phrase. Son hésitation ne passa pas inaperçue. Harry laissa échapper un rire amer. Ils quittèrent rapidement la baraque. Drago se laissa entraîner au hasard des rues du petit village. Rapidement, Harry retrouva sa vivacité et recommença à l'emmener à gauche et à droite. Il prenait tellement de plaisir à aller dans cette petite ruelle sombre, par exemple, comme s'il avait vraiment un objectif. Drago finit par se détendre. Une tension dont il n'avait pas eu conscience quittait peu à peu ses muscles. Des années de peur, du jugement des autres, d'une condamnation sociale, s'envolaient dans ce petit village où il était un inconnu, un anonyme. Il pouvait décider d'être lui-même et personne ne lui en voudrait d'être heureux. Pas même Harry, qui semblait l'accepter tel qu'il était, avec ses blessures, ses cicatrices, et plus encore, son tatouage. La nuit commença à tomber, et ils se dirigèrent vers le restaurant, auberge et épicerie du village. Les moldus étaient accueillants, d'autant plus qu'ils étaient les seuls clients. En quelques minutes, Harry et Drago étaient devenus une attraction. La curiosité de la propriétaire de l'auberge eut raison d'elle puisqu'elle leur demanda la raison de leur venue après une demi-heure de compliments sur la cuisine de son mari. « Nous avons entendu parler de la maison de curiosité que vous avez, » commença Draco. Harry lui envoya un coup de coude dans les côtes, mais elle s'obstina à continuer. « On se demandait ce qui a bien pu délabrer la maison ainsi. On nous avait dit qu'elle était charmante. » Harry le fusillait du regard, cependant Drago s'amusait follement à l'agacer, comme au bon vieux temps. « Oh, quelque chose de terrible, mon petit !» répondit la jeune femme, comme s'ils avaient plus que quelques années d'écart. « Le propriétaire est mort, malheureusement. Ses petits-enfants n'ont jamais voulu reprendre la maison. Ils l'ont laissée à l'abandon. » Alors qu'elle continuait à déplorer le fait d'abandonner un si bel endroit, Drago se tourna vers Harry, un sourire suffisant aux lèvres. « Tu es encore plus insupportable quand tu as raison, tu le sais, ça ?» grogna Harry avant de gober une grande fourchette de petits pois. Un sourire flottait sur ses lèvres, pourtant. Drago sentait une certaine complicité s'installer entre eux. Oh, comme il avait été loin de la vérité, en le considérant comme un ami. Il n'était venu le voir avec ses fleurs et son journal que quelques jours plus tôt, mais il se sentait déjà beaucoup plus proche de Harry. Ce n'était pas Potter, ni le garçon qui a survécu, juste Harry. Et il était peut-être en train de tomber amoureux de juste Harry. Son cœur se serra à cette idée. Il pouvait avoir l'espoir fou d'être considéré comme un être humain, mais de là à se leurrer avec des idées impossibles, comme avoir des sentiments pour lui, il y avait un fossé immense. Autant crier « Gloire au Lord » au milieu du chemin de traverse et espérer ne pas atterrir à Azkaban. Harry éclata de rire à une de ses propres blagues, un peu nulle, et Drago rit avec lui. Parce qu'il était un bon ami. Un ami qui ne se perdait pas dans des rêves illusoires. Même s'ils souhaitaient tous les deux que la soirée ne se finisse jamais, la tenancière finit par les houspiller jusqu'à leur chambre. Deux lits simples les attendaient, propres, confortables. Après avoir loué une dernière fois le repas, ils se mirent au lit. Drago priait pour qu'ils ne se retrouvent pas avec un silence gênant au bout de quelques minutes. Harry s'était allongé, Drago aussi, tous les deux dans le noir. Le silence les enveloppait comme une bulle. Harry la perça. Merlin merci. Il ne voulait pas s'endormir sans parler un peu avec Drago. Il ne savait pas bien pourquoi et il en ressentait le besoin. Quelque part en lui, il savait qu'il ne voulait pas que la nuit s'arrête là. « Est-ce que tu fais encore des cauchemars ?» La question lui fait peur. Lui-même n'aurait pas envie d'y répondre. Pourtant, dans la pénombre, Drago trouva le courage de le faire. « Oui, souvent. » Sa voix se rompit sur un bruit étrange que Harry identifia comme un sanglot. Mais Drago ne se découragea pas. « Parfois, ils n'ont aucun sens. Parfois, ce sont des sortes de souvenirs. Et des fois, ils me montrent ce que j'aurais pu devenir. Comment j'aurais pu tuer Dumbledore ?» L'aveu de Drago flotta entre eux pendant quelques secondes. Harry voulut le remercier pour son courage ou sa confiance. Au lieu de cela, il posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Tu crois que ça va s'arrêter un jour ?» demanda Harry, timide et vulnérable. Drago ne lui répondit pas. Les draps bougèrent avec lui. Harry devina qu'il se tournait vers lui. Quelque chose dans cette conversation lui donnait envie de se rouler en boule et de pleurer. Mais aussi de rire aux éclats. Il avait l'impression d'avouer un secret honteux. En parler lui faisait du bien. « Je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense juste qu'on s'y habitue avec le temps. Je n'en ai pas envie. Même si les cauchemars sont horribles, ce n'est pas comme si j'étais mort. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont perdu un proche, ce n'est pas juste que je puisse juste m'habituer aux cauchemars. » Avoua Harry dans son souffle. Puis il retient son souffle. Tout à l'heure, Drago lui avait fait confiance pour ne pas le rejeter. Il pouvait bien lui faire confiance pour ne pas le juger, non? Ce n'est pas grave si tu t'y fais. Tu devras être heureux et t'y habituer le plus vite possible. Tu peux l'être autant de fois qu'ils ne l'ont pas été. Harry sentit les larmes lui monter aux yeux. Quelque chose en lui se dénoua et, pour une fois, il se sentit reconnu pour n'être qu'un enfant qui avait subi tout ça, comme les autres. Pleurer devant un serpentard? Vraiment? Où est passée ta fierté Gryffondor, Potter? S'exclama Drago en l'entendant renifler. Harry rit. Drago serait toujours Malfoy d'une manière ou d'une autre, et c'était cela qui rendait leur interaction si facile. Oh, va te faire foutre! Répondit-il en riant. En cet instant, il était heureux, même s'il n'aurait pas su dire pourquoi. Peut-être parce que Drago le soutenait, aussi maladroit soit-il. Le silence reprit son droit sur la chambre à la lumière tamisée. Drago hésita à parler, de peur de rompre ce qui était en train de s'installer entre eux, quoi que ce fût. Harry n'osait prononcer un mot de peur que sa voix ne se brise, en sanglots ou en rire. Finalement, Drago se décida. « Pourquoi est-ce que tu tenais absolument à venir ici ?» Harry réfléchit à la question. Il songea au sentiment de liberté que cela lui procurait de se promener dans l'inconnu et d'être maître de ses mouvements sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. « Je voulais choisir ce que j'allais faire pour une fois. Quand j'étais gamin, je recevais plein d'ordres des gens chez qui je vivais. Puis, je suis allée à Poudlard. J'ai commencé à briser des règles pour voir ce que ça faisait. Au début, c'était génial. J'avais l'impression d'être libre. Et puis, Dumbledore a commencé à s'en mêler. J'ai continué à franchir les limites à Poudlard, mais j'étais soumis à la prophétie, aux attentes des autres. Ça n'a rien changé pour moi, au final. Mais ce qu'on fait là, ça n'a aucun but. Je peux juste être moi, profiter et n'obéir à personne. Je crois que c'est ce dont j'ai besoin. C'est assez marrant que tu dises ça. Depuis qu'on est arrivé, tu n'as pas arrêté de m'entraîner partout. Et je t'ai laissé faire parce que c'était plus facile. Tellement plus simple que d'avoir la pression sur mes épaules pour faire le bon choix. Je t'ai laissé choisir, et je crois aussi que c'est dont j'avais besoin. Drago décida de laisser une chance à ses espoirs les plus fous. « Crois-tu qu'on puisse être amis ?»« Pourquoi pas ?» répondit Harry avec toute la bienveillance du monde. Drago décida que c'était le bon moment pour faire de l'humour. « Il y en a qui se sont mariés pour moins que ça, tu sais. » Il entendit Harry se rapprocher de lui dans le noir, juste un peu. « Ah ouais ?» Son ton était amusé. « Ah oui, d'abord ami, puis sex-friend, puis en couple, marié. Et avant que tu aies le temps de dire « Ouf, la maison, le scroop et les trois enfants !» Harry éclata de rire, Drago se sentit incroyablement fier pour une obscure raison. « Je ne pense pas que ça nous arrive jamais. » reprit Harry sur un ton beaucoup plus sérieux. Drago ignora son petit cœur serré dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il y pouvait si Harry était si charmant et brisait ses espoirs juste quand il naissait? Il osa tout de même demander pourquoi. C'était ce qu'un ami normal demanderait, non? « Oh, je préfère les nifleurs », répondit-il sur le même ton. Tout l'air quitta les poumons de Drago. Il explosa de rire. Il ne trouvait même pas ça drôle. C'était même très nul. Il était juste soulagé. Un sentiment de sécurité monta en lui. C'est sur cette sérénité qu'il allait tout blâmer plus tard, quand il se demanderait pourquoi il avait dit quelque chose d'aussi stupide. Une fois, j'ai rêvé qu'on couchait ensemble. Cette fois-ci, il ne rit pas. Drago sentit toutes ses angoisses remonter en lui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Harry ne répondit pas tout de suite. Drago avait déjà envie de se taper la tête contre le mur. Quel imbécile, au 21e siècle, s'amusait à dire ça. N'importe quel siècle, d'ailleurs. Qui saint d'esprit disait ça à la personne pour qui il avait un immense béguin? Personne! Voilà qui! Trop pris dans son auto-flagellation, il n'entendit pas Harry se déplacer et il sursauta quand sa main atterrit sur son nez. « Oh, je croyais que c'était ta main. Je balbutia-t-il en posant finalement ses doigts sur l'épaule de Drago. « On a tous été adolescents, on a tous rêvé de trucs comme ça à Poudlard, t'inquiète pas. » Drago n'osa pas lui dire qu'il ne rêvait pas à Poudlard. Il était trop terrifié pour rêver à l'âge où il aurait pu. C'était beaucoup plus récent que Poudlard, bien plus récent. « Ouais, » dit-il en accentuant la dernière syllabe. Harry ne répondit pas pendant plusieurs secondes. Il reprit sa main et il y eut un long silence. Très long. « Pourquoi t'as fait ça ?» demanda Harry un rire dans la voix. « Faire quoi ?»« T'as pas dit oui, » précisa Harry. « Ni ouais, t'as dit ouais. » »« Pourquoi tu as accentué le P ?» Drago sentit la gêne monter en lui en même temps que la crainte. « Je sais pas quoi te dire. »« Oh non !» dit Harry. « Oh merde !» pensa Drago. « C'était pas à Poudlard. »« Ouais, répondit Drago. « La honte amère sur la langue. »« Mais qu'est-ce qui lui avait pris de dire ça au juste ?»« Ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas ça pour te faire chanter. »« Il manquerait plus que ça !» répliqua Drago en toussant un rire dédaigneux. « Et je comprends totalement !» dit Harry en détachant bien les syllabes. Qui ne voudrait pas de ce corps ? Phrase fut suivie d'un claquement sonore. Drago rit. Est-ce que tu viens de claquer tes fesses ? Chuchota-t-il. Harry ne répondit pas. Il était trop occupé à s'étouffer dans son propre rire. Il était fier de sa blague et Drago était heureux d'être sur le lit à côté de lui pour écouter cet idiot ricaner. C'est alors que ça le frappa. C'était beaucoup plus douloureux que de se faire rouler dessus par le magicobus. Il était amoureux de cet imbécile et il ne reviendrait jamais à la normale. Harry l'avait changé, mais était-ce pour le mieux ? « J'ai besoin de savoir, Drago, c'était quand ? » dit-il quand il se calma enfin. Trop perturbé par la sonorité de son prénom dans la bouche de Harry, Il mit quelques secondes à se rappeler de quoi il parlait. Oui, le rêve. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Je pense que tu as surtout besoin de savoir ça. Tous mes ancêtres viennent me dire que je suis un déshonneur. J'aime déjà la belle famille, plaisanta Harry. C'est avec un rire dans la voix qu'il poursuivit. Parce que tu es arrivé d'un homme? Parce que tu y as pris du plaisir? Ou bien parce que tu me l'as dit? Drago décida de reprendre sur le ton de l'humour. Mais non, enfin. Tu es un Potter. On a du standing chez les Malfoy Black. Il réussit même à mettre une pointe de dédain amusé dans son ton. Si tu veux mon humble avis, personne ne te le demande, corrigea Drago, bah ça sert à rien de les différencier. Il y a tellement de consanguinité chez les sorciers que je suis presque sûr qu'il y a les mêmes gènes chez les Black et les Malfoy. Drago tenta de tourner la phrase dans tous les sens, mais n'en trouva pas de sens. Des fois tu dis des choses bien étranges, Potter. C'est pour ça que tu m'aimes. Drago ne le détrompa pas. Cette fois-ci, le silence les enveloppa comme une couverture chaude. Harry, pour sa part, sentait bouillir en lui l'envie de prolonger cette conversation jusqu'au lever du jour. Il voulait entendre Drago rire à ses blagues, même s'il ne les trouvait pas drôles. Il voulait lui prendre la main aussi. Pris d'une impulsion, il dit. « Une fois, j'ai métamorphosé Ron en chat, en m'entraînant pour un devoir de McGo. Hermione a utilisé son animagie... Un chat aussi, ne pose pas de questions, dit-il quand Drago prit une inspiration pour le couper. Elle voulait le rassurer. Ron qui panique, c'est pas beau à voir, mais alors dans le corps de quelqu'un d'autre. Enfin bon, il a quand même eu peur, parce que Colin Crivet a déboulé dans la salle commune en hurlant qu'il voulait me prendre en photo. Ron a essayé de sauter de la table pour fuir, Hermione a voulu empêcher qu'on voie ses fesses, on a imprimé 200 exemplaires et on a attendu 3 mois pour les coller dans les dortoirs le 1er avril. Harry déversa ses mots à une vitesse ahurissante, puis retourna dans le silence. « Pourquoi tu me dis ça ? » demanda-t-il sur le ton de la confidence. « Je me suis dit que ça serait équitable si tu savais un truc gênant sur moi. » Harry et Drago ne se le dirent pas, mais ils étaient tous les deux ravis de discuter aussi tard dans la pénombre. Même si Drago ne se priva pas de faire savoir ses doléances le lendemain matin, quand ils arrivèrent au lac du Connemara. Drago ne fit aucune remarque quand Harry chantonna, dans un français très approximatif, quelque chose à propos de terre brûlée et de landes de pierre. Ils étaient ici en raison du carnet. Cette fois-ci, l'image n'était pas en noir et blanc. Un jeune, en costume, un peu débraillé, était immergé jusqu'à la taille dans le lac. Autour de lui flottaient plusieurs tourneurs de disques et il portait des lunettes de soleil. En tournant la photographie, on pouvait y lire de différentes écritures. James n'a pas bien compris l'intérêt des tourne-disques, et je crois aussi qu'il a un coup de soleil. L'écriture était soignée mais raturée par endroits. Ça devait être Sirius. Peter ajoutait « C'est beau le Connemara, mais je veux rentrer chez moi. » On est fiché par la police moldue parce que James n'a pas voulu payer pour les tourne-disques. On n'a pas mangé depuis hier. Remus complétait « C'est un miracle si on sort vivant de cette affaire. Je suis content de faire ça avec toi. » dit Harry en tendant la photo à Drago. Le blond la retourna et lut. Pendant que Harry continuait à parler, il semblait gesticuler, mais Drago l'ignora. C'était souvent plus facile de l'ignorer. Je pense qu'on devrait créer nos propres souvenirs ici. Comme quoi ? Demanda-t-il distraitement. Alors, Harry se mit à courir en hurlant vers le lac. Drago regarda par terre, là où il y avait ses vêtements. Mais Harry, tu es nu ! Cria-t-il. Je sais, et l'eau est froide ! Cria Harry en retour. Mais c'est drôle, et je vais te voir à poil. Drago garda un souvenir heureux de cet instant. Il garda aussi un souvenir satisfait quand ils eurent tous les deux un rhume et qu'il dit « Je te l'avais bien dit » à Harry. Il était surtout optimiste pour l'avenir. Harry, lui, était heureux d'avoir choisi quelque chose pour lui-même, malgré le « qu'en dira-t-on ». Il s'était senti libre, lui-même, entier, face à quelqu'un qu'il avait pensé haïr. Mais surtout, il avait pu réaliser qu'il avait droit au bonheur et que celui-ci était facile à trouver. Si on cherchait bien.